l'heure de la branlette, l'heure de la branlette, c'est sacré. Personne ne doit me déranger, je ne dois pas avoir autre chose en tête. Tous les jours à la même heure, je dois secouer mon brachma, sans jamais en avoir marre, pour 10 secondes de bonheur. Voilà l'heure de la branlette, l'heure de la branlette, c'est sacré. Personne ne doit me déranger, je ne dois pas avoir autre chose en tête. It's branlette time, branlette time baby. Branlette time. Dirty seconds du mars, c'est l'effet branlette. Et oui, ce groupe n'est pas très net. Mieux qu'un shoot à l'héros, fais-toi plutôt un bon porno. Ça te détendra les couilles, que tu sois énervé ou que t'aies la trouille. En plus, ça t'aidera à dormir, c'est quand même mieux qu'un somnifère. Voilà l'heure de la branlette, je ne dois pas avoir autre chose en tête. L'heure de la branlette, c'est sacré. Personne ne doit me déranger.